Comme les phénix, je renais des messages. Shelby travaille dans les débits. C'est une rafale pour tes flips, il faut te rabattre sur la droite. Car sur la gauche, mais ça va trop vigiller. Prédateur, car mes rimes perdent sans arrêt. Jette l'œil, t'auras la vue à Gilbert Montagnier. Aucune limite quand tu kicks ça. Mais léger, je vois le regard de ta meuf quand je la nique, ça fait de l'effet. Je vois le regard des gens quand t'es noir et PDG. Tu pourras voir le mien si je vois deux PDs frayer. Dis-moi la caisse que t'as, je dirai la meuf que t'as. Dans ses yeux, je peux apercevoir les jambes que t'as. Trop aveuglé par l'amour, trop dépouillé par leur pouf. Trop de naïfs qui vont sombrer dans l'échec total. Retrouve-moi dans la cuisine, je prépare mes sushis. King Kong, seigneur de tympan, j'y la guerre. Regarde-moi dans les yeux, je regarde tous ces hommes frais. Invincible, écorché, mais toujours prêt. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils disent, je n'avance que parce qu'ils me méprisent. Et que je brille dans leurs yeux, l'amertume qui transparaît. Impossible qu'on s'accorde dans ce game frais. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses, quoi que tu dis, je m'approcherai de ma belle pommée. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi si tu vois l'empreinte du vice. Je ne suis que l'âme d'un gamin que leur rage a cogné en pleine pupille. Toujours à la quête du riz, sans chercher à faire du chiffre. Je m'expose peu car il y a longtemps que j'ai appris à être pudique. Je suis qu'un sudiste de plus qui parle et ma peine suffit à faire de moi cet esprit en titane. Lorsque la merde surgit, je garde un air stupide, les nerfs solides. Et si pour toi le rap est un game, ne t'y frotte pas car tu risques d'y perdre une vie. Je suis pas la crème du crime, je suis le même donc je reste unique. Chaque jour je danse tout pour mon cher public. Et si les miens s'unissent, bonne se bise. C'est qu'aujourd'hui la tendance et l'authenticité portent toujours la même tunique. Sans vice de forme, fais juste un petit effort dans l'oreille pour écouter ce qu'ont à te dire les fils de l'homme. Un diable parmi les démons, c'est une vision triste et morte. C'est le sud qui braille pour prouver que la matière grise est bonne. Dans les yeux, je regarde tous ces hommes frais. Invincible, écorché, mais toujours prêt. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils disent, je n'avance que parce qu'ils me méprisent. Et que je brille dans leurs yeux, l'amertume qui transparaît. Impossible qu'on s'accorde dans ce game frais. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses, quoi que tu dis, je m'approcherai de ma belle pommée. Sur le poignet, sur le torse, quelques noyés. Les flics me font qu'aboyer, j'ai de quoi les soudoyer. Je vais baiser le loudoyon ou Virginie le doyen. Le rap c'est mon truc, dans le sud je suis un doyen. Au-dessus de la moyenne, la gamberge est païenne. Je marche avec le soleil donc n'est pas la haine. J'égorge des MC, c'est un massacre, c'est pas la haine. Je suis issu de l'univers Marvel donc je parle qu'à Hitch. Vise la Maybach, trop d'ambition pour le Porsche Cayenne. Tout sort de ma tête donc je n'ai pas besoin de porte-cahier. Ma CV c'est mon porte-flingue, tous les MC portent plainte. S'agit dans le game en sac à dos mais il n'apporte rien. Crash sur le bling bling des autres donc j'apporte le mien. Pareil que c'est du nord, j'ai ma bite donc j'amène le miel. Mon flow m'élève au-dessus des gens, mec j'suis aux portes du ciel. Ils pensent que je suis comme eux, mais moi j'suis pas un homme, j'suis un logicien. Je regarde tous ces hommes frais. Invincible, écorché, mais toujours prêt. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils disent, je n'avance que parce qu'ils me méprisent. Et que je brille dans leurs yeux, l'amertume qui transparaît. Impossible qu'on s'accorde dans ce game frais. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses, quoi que tu dis, je m'approcherai de ma terre pour mieux. Tu verras dans mes yeux.